J'aurais pu être un grand artiste, un prix Nobel ou un bandit. Naître dans tes bras, voir dans tes rides à quel point j'ai grandi. Tes battements de cœur me font imaginer ton sourire. Je vivrais dans ton monde, main dans la main avec tes souvenirs. Laisse-moi t'appeler maman, c'est pas souvent c'est vrai. Je veux une place au soleil, dans ton jardin secret. Pourquoi t'as pas voulu de moi, tu dois avoir tes raisons. Y'avait sûrement pas assez de place dans notre petite maison. Sèche tes larmes, je suis qu'une graine qui n'a pas pris racine. Je me connais pas et toi maman, dis-moi comment tu m'imagines. J'étais trop pressé, c'était peut-être trop tôt. À mon souvenir, accroche sur le mur un cadre sans photo. Décris-moi la vue de ta chambre, chante pour me réconforter. Parfois je ris en imaginant le nom que j'aurais porté. La mort, la vie, j'y connais rien, quand j'y pense je m'y perds. Je le verrai jamais, mais s'il te plaît maman, fais-moi un petit frère. Retiens juste mon amour, profite, va faire un tour. Tu serais peut-être bien plus triste si j'avais vu le jour. J'aurais peut-être claqué la porte et tout foutu en l'air. Lâcher nos vies en un éclair, d'ailleurs où est mon père? La mer, les fleurs, le soleil, les amis, les années ratées, la tristesse, la peur, je ne connaîtrai jamais. Ça fait quoi de respirer? Parle-moi, je veux pas te voir en pleurs. Tu m'as pas gardé dans ton ventre, mais laisse-moi une place dans ton cœur. Maman, comment c'est dehors? L'amour fort que nous nous portons. Je suis ni vivant ni mort, mais je sens encore le cordon. Mon enfant, tu sais que je t'adore, et je te demande pardon. Je n'ai ni raison ni tort, et je sens encore le cordon. D'abord, maman t'aime, ça faut que tu le saches. Je pense tous les jours à toi, me regardant dans la glace. Tu me ressemblerais, j'entends ton rire dans mes rêves. Et je ressens un grand vide quand le matin se lève. Mais tu ressemblerais à ton père, ce lâche nous a abandonnés. Faut dire qu'à cette époque on était tous un peu paumés. Et ça m'a fait de la peine, son sang coulerait dans tes veines. Et moi je l'aimais comme je t'aime. Je suis jeune, j'ai toujours pas une thune. J'ai toujours pas fini mes études. Et je suis seul, j'étais pas prête à t'accueillir. J'ai du mal à m'en sortir. Et depuis qu'il n'est plus là, c'est encore pire. Entre les cahiers, les couches, le loyer, les cours, je me serais noyé dans mes journées. Noyé par les coups, j'ai dû faire un choix sans toi. Au bord de la falaise, j'ai préféré ne pas être mère qu'en être une mauvaise. Je nous vois dans un parc, la boue sur les chaussures, les éclaboussures, à avoir peur du temps qui passe. Tu me tiens par la main, tu me parles avec les yeux, je n'entends plus personne, je ne sens que nous deux. Et je voulais pas que tu galères, que tu connaisses mes fins de mois. Et puis ton père serait sûrement souvent bien plus absent que toi. On se retrouvera à la prochaine. Je ne t'ai pas donné la vie pour pas que tu aies à vivre la mienne. Maman, comment c'est dehors? L'amour fort que nous nous portons. Je suis ni vivant ni mort, mais je sens encore le cordon. Mon enfant, tu sais que je t'adore, et je te demande pardon. Je n'ai ni raison ni tort, et je sens encore le cordon. Maman, comment c'est dehors? L'amour fort que nous nous portons. Je suis ni vivant ni mort, mais je sens encore le cordon. Mon enfant, tu sais que je t'adore, et je te demande pardon. Je n'ai ni raison ni tort, et je sens encore le cordon. Maman, comment c'est dehors? Mon enfant, tu sais que je t'adore, l'amour fort que nous nous porte. Et je te demande pardon. Je suis ni vivant ni mort, je n'ai ni raison ni tort, mais je sens encore le cordon. Et je sens encore le cordon. Mais je sens encore le cordon. Et je sens encore le cordon. Mais je sens encore le cordon. Et je sens encore le cordon. Mais je sens encore le cordon. Et je sens encore le cordon.